anges sur la terre, chapitre 11. Une grande dame. Tu dois avoir remarqué, ô lecteur des Batuecas, que nous avions en toi la plus aveugle confiance, et cette confiance, tu la dois à notre sympathie, à notre désir de te plaire et de t'instruire, non pas que sur certaines questions tu n'en saches, à coup sûr, bien plus long que nous-mêmes, mais, à n'en pas douter, tu es assez heureux pour ignorer certaines expressions introduites en contrebande et à la barbe des droits et des tarifs de douane dans notre langue. En vain les chercherais-tu dans le dictionnaire ? Le dictionnaire en est parfaitement vierge. C'est un vieux barbon qui commence à radoter. Et vraiment c'est dommage, car il avait du bon, un peu têtu quelquefois, mais très complaisant. En notre qualité de peintre de mœurs contemporaines, nous ne pouvons nous dispenser de toucher à ces questions qui, de toutes parts, bourdonnent à nos oreilles. Nous allons donc te les expliquer avec leur origine, afin qu'en nous lisant, tu n'ailles pas croire que la langue espagnole tourne au grec. Au grec, non, mais au polyglottisme, à la république des mots. Rendons hommage à la vérité. Les introducteurs en Espagne de tant de mots à la dernière mode n'ont éprouvé, à cause de cela, aucun désagrément. Jamais français, anglais ou allemand ne nous a fait ce mauvais compliment. Que ne vous grattez-vous avec vos propres ongles ? Tout au contraire, et, comme Pharaon, ils nous ont ouvert, à deux battants, les portes de leur grenier littéraire. En parlant de la marquise, nous dirons donc que cette aimable femme, bien qu'elle eût de graves motifs d'inquiétude, restait toujours aussi gracieuse, aussi aimable, sans permettre au spleen de jeter le moindre nuage sur son front pur et serein. Le mot est lâché. Nous avons nommé le spleen. Il n'y a pas à reculer. Ô lecteur des Batuecas, notre ami, il faut le définir. Le spleen est né sur les bords de la Tamise. C'est un enfant engendré au coin d'un feu au charbon de terre, dans le silence et la solitude, par un lord goûteux et dégoûté de tout. Le spleen a la peau flétrie, les yeux éteints, la bouche pendante, le sourcil froncé. Il est grand, maigre et parfaitement étranger à toute notion d'élégance. Le spleen avait eu autrefois la prétention de s'introduire en Espagne. Rassure-toi, lecteur, notre soleil l'a ébloui et il a fui devant le bruit de nos castagnettes et des tambours de basque. Il n'a pas résisté, devant les grâces andalouses, dansant un boléro. La marquise avait, Dieu merci, échappé à cette funeste maladie, mais elle était en proie à d'amères préoccupations au sujet de la fortune de sa fille. Le défunt marquis, qui était fort prodigue, avait laissé des dettes que, comme de juste, sa femme s'était empressée de reconnaître au nom de son enfant. Des héritiers collatéraux, prétendant que la création du majorat en excluait la branche féminine, étaient venus disputer à Rennes la fortune de son père. C'était le procès intenté à ce sujet qui avait conduit la marquise à Madrid. Elle l'avait gagné, mais les frais énormes qu'il occasionna vinrent encore augmenter les dettes et, pour combler la mesure, une rente considérable, hypothéquée sur le majorat et dont les arrérages n'avaient pas été réclamés depuis nombre d'années par l'incurie du propriétaire, ressuscita avec sa mort au profit de ses héritiers qui en réclamaient instamment le paiement. On concevra qu'en présence de semblables embarras, le front de la marquise put se couvrir de quelques nuages. Elle était un jour tristement absorbée dans ses réflexions quand on lui annonça la visite de son plus intime et meilleur ami, Don Domingo de Osorio. Don Domingo était un de ces gentilshommes accomplis de tout point, dont le monde ne s'occupe guère parce qu'il ne cherche pas à y briller, mais qui demeurent encore le type de la droiture, de l'honnêteté et de la loyauté. C'était un de ces carlistes de la vieille roche, enraciné dans ses opinions comme le rocher au fond de la mer, laissant passer sur sa tête, sans même y faire attention, le flot des événements. Un de ces monolithes moraux pour qui le mot concession équivaut à celui de trahison. Un de ces hommes à la fois robustes, dont le siège est non pas dans la tête qui calcule, mais dans le cœur qui sent. Un de ces hommes, enfin, impossibles à faire dévoyer de leur ligne, mais qui se laissent facilement tromper. Le siècle les traite de Don Quichotte, mais il y a autour d'eux tant d'ignobles Sanchos qu'ils s'élèvent encore triomphalement au-dessus. On se moque d'eux, peut-être, mais chacun désire les avoir pour amis. Ce sont de pauvres auxiliaires, comme force active et militante pour un parti. Mais ils en font l'honneur et lui prêtent un appui moral, souvent fort utile. « Savez-vous la nouvelle ?» dit Don Domingo en entrant et d'un air animé. « Zaldivia est à Ubrique, son pays. Il a déjà rassemblé 3000 hommes qui se sont disséminés dans les montagnes de la Ronda, prêts à se réunir au premier signal. « Zaldivia ? » exclama la marquise. « Ce malheureux qui a été fusillé ? Et vous avez cru cela ? Il n'en est rien. Un autre infortuné a été fusillé à sa place. Mais quant à lui, on a pu l'attraper. Bien fin sera celui qui mettra la main sur Zaldivia. Mais qu'avez-vous donc, marquise ? Vous semblez triste. Vous serait-il arrivé quelque chose de fâcheux ? Je suis obsédée de soucis. Vous connaissez mes embarras d'argent, et je ne puis voir sans frémir le gouffre qui s'élargit de plus en plus chaque jour. Il faut diminuer vos dépenses, il faut enrayer. Impossible, vous connaissez aussi bien que moi le train de ma maison, et vous savez qu'il n'y a pas de gaspillage. Congédiez quelques domestiques, vous en avez par centaines. Je n'en ai pas encore assez. Tout le monde est occupé pour tenir en bon ordre cette immense maison. Prenez-en une moins grande. Quittez la maison de mes pères, la maison où je suis né. Y pensez-vous, Domingo ? Supprimez votre tertulia. Assemblée, réunion, cercle. Ce serait chose convenable. Quand toute ma vie j'ai reçu du monde, je fermerai ma maison, aujourd'hui que ma fille a 18 ans et qu'elle en fait le plus bel ornement. La belle dépense d'ailleurs. Domingo, vous me faites l'effet de ce duc qui, voulant rétablir l'économie dans sa maison, supprima quelques torchons dans sa cuisine. Ce maudit procès m'a coûté les yeux de la tête. Les dettes anciennes sifflent comme des serpents. Et maintenant, voilà que ressuscite cette vieille obligation, engraissée de tous ses arrérages. Tout tombe à la fois et tout est urgent. Que faire, mon Dieu, que faire ? Adressez-vous à un capitaliste, à un banquier. Tous juifs, exclama la marquise, tous usuriers qui spéculent sur la ruine d'autrui. Vous moquez-vous, Domingo ? Nécessité n'a pas de loi, cher ami. Je ne le sais que trop, mais je ne me mettrai pas entre les mains de ces pharisiens. J'ai déjà expérimenté à mes dépens comment, aidés de leurs fidèles conseillers, les avocats et les notaires, ils savent enfoncer le poignard dans les entrailles de leurs victimes. Ils vous répondront à cela, dit Don Domingo, que l'argent est une marchandise comme une autre et que sa valeur est arbitraire. Ce sont de ces vérités nouvelles que nous apporte le siècle des Lumières. Au nom de Dieu, Domingo, ne souillez pas votre bouche en répétant les sophismes de l'usure. Cette perfide étouffeuse voudrait se cacher sous un manteau de velours, comme l'irreligion se cache sous le manteau de la préoccupation, l'agiotage sous celui de la spéculation, le dérèglement sous celui de la liberté, une union contractée dans un seul but d'intérêt sous celui de mariage de raison. Enfin, l'intérêt prétendu de la société sous celui de socialisme. Note du traducteur. Étouffeuse, despenadora, femme qui, par une humanité malentendue, étouffait les moribonds en leur appuyant le coude sur la poitrine. Fin de la note. Il vient d'arriver à Séville, de retour d'un voyage à Madrid, continua Don Domingo, un négociant de Cadix, qui est millionnaire. Un bien ami forcé de vendre une propriété à Reméré est sur le point de faire affaire avec ce Péruvien. Vous savez qu'à Cadix, le haut commerce vit au milieu de l'argent, comme le poisson dans l'eau, et que les négociants y sont galants, généreux, enfin gens de fort bonne compagnie. Note du traducteur. Péruvien, peruviano, cette dénomination de Péruvien implique un homme riche, opulent. Fin de la note. Je sais qu'il y en a de toutes les espèces, Domingo, de toutes les espèces, et cette qualification de Péruvien ne m'inspire pas grande confiance dans les reliques de votre homme. Celui dont je vous parle est un des plus hauts placés dans le commerce. Il a fait grande figure à Madrid. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui, Domingo? Beaucoup. Cela signifie qu'il est riche. Il aime la bonne société et voudrait s'y affilier. Mais en restant tel que Dieu l'a créé et sans vouloir s'astreindre aux règles du monde. Ces manants prennent la grossièreté, se cacher de la vulgarité, pour le type de l'indépendance. Ils affectent de n'avoir besoin de personne et, dans leur candide conviction, la politesse, le savoir-vivre, ne sont que des formes adulatrices, seulement à l'usage de ceux qui sollicitent une faveur vis-à-vis de celui qui peut l'accorder. « Je veux sortir de la position embarrassante où je me trouve, » dit la marquise, « mais je ne veux avoir de reconnaissance à personne. Si j'emprunte, je payerai les intérêts. Mais m'abaisser à demander un prêt, comme une faveur, jamais, Domingo, jamais. Alors, laissez saisir le majorat, c'est peut-être la chose la plus sage. Par la vente d'une magnifique propriété, dont l'entretien était beaucoup trop dispendieux, votre père, dans sa prévoyante tendresse, a constitué sur votre tête une rente viagère de 30 000 réaux. Votre douaire de veuve vous en assure 20 000 autres. Avec ces 50 000 réaux et beaucoup d'économies, vous pourrez encore vivre fort honorablement. Laissez saisir le majorat. Que dites-vous là, Domingo? Subir cette humiliation? Exposer la fortune de ma fille? À être mise à feu et à sang, plutôt mourir. Eh bien alors, résignez-vous à faire un arrangement avec ce Don Roque de la Piedra, comme va le faire mon ami? Don Roque de la Piedra, dites-vous? Oui, ainsi se nomme le Crésus. Quel hasard! Cet homme doit être le père de Lagrimas, car c'est le nom de famille de cette compagne qui s'est prise d'une telle passion pour ma fille qu'elle a manqué de mourir de chagrin quand j'ai retiré reine du couvent. Que dites-vous là, marquise? Comment cette jeune fille si modeste, si réservée, si discrète, serait la fille de ce nabab? On ne s'en douterait pas, car tout ce qu'elle possède, c'est reine qui le lui a donné. Vous savez bien, Domingo, que ma fille a la passion de donner. Je crois vraiment que, si elle avait plus rien sous la main, elle me donnerait moi-même, sauf à rester orpheline. Cette circonstance me paraît très favorable pour faciliter les choses. Il me semble tout naturel que Don Roque vous fasse au moins une visite de remerciement quand il connaîtra les bontés que vous avez eues pour sa fille. Une fois les relations établies entre vous, il ne sera pas difficile d'entamer une affaire dans laquelle, après tout, le capitaliste trouvera intérêt et profit. Quelques jours après, Don Roque, mis au courant par Jeremias de l'accueil fait à Lagrimas dans la maison de la marquise de Alocaz, se décida à aller faire à cette dame une visite de remerciement. Quoique 10 années se fussent écoulées Depuis l'arrivée de Don Roque à Cadix, il s'était opéré peu de changements dans sa sèche et anguleuse personne. C'était toujours cette froide et vulgaire physionomie du manant enrichi. Ce qu'il avait gagné en fréquentant le monde, c'était de se vêtir avec un peu plus de soin et de parler un langage un peu moins grossier, sinon plus épuré. « Je me présente avec d'autant plus de plaisir chez vous, » dit-il à la marquise, avec l'aplomb de la bêtise et la familiarité de l'ignorance, « que jamais je n'ai eu besoin de vous ni des vôtres. Depuis mon retour en Espagne, j'ai obligé bien des gens. Si mes petits services peuvent vous être bons à quelque chose, je les dépose à vos pieds. » Après ce compliment, qui lui semblait le nec plus ultra de la galanterie, le nabab se laissa tomber, d'un air satisfait, dans un fauteuil. La marquise eut bonne envie de lui répondre que, le jour où elle lui demanderait un service, elle lui payerait à 100%, comme avaient fait ceux qui l'avaient obligé, mais elle se contint. Comme c'était un jour de fête, la grimace se trouvait chez la marquise et Don Domingo fut la chercher. « Ah, la petite est ici !» dit Don Roque à la vue de sa fille qui entrait avec Reine. « Vous lui rendez un bien mauvais service, marquise, en l'accoutumant aux plaisirs et aux fêtes. Elle ne trouvera pas tout cela à la maison, où je vais la ramener, car elle a ses 16 ans. » À ces paroles de son père, la pauvre enfant se mit à trembler et se jeta, tout émue, dans les bras de Reine. « Vous allez l'emmener ? » dit celle-ci à Don Roque. « Oh que non, je ne le veux pas !» À cette contradiction despotique qui venait se planter au travers de sa volonté, Don Roque se retourna stupéfait. Mais en la voyant sortir de cette bouche si jeune, si belle et si fraîche, il sourit comme sourirait un roi en voyant un beau papillon se poser sur sa couronne. « Et pourquoi ne l'emmènerais-je pas, ma belle enfant ? » dit-il à Reine. « Parce que je ne le veux pas, » répondit fièrement celle-ci. Il est probable que dans son orgueilleuse vanité et son étroit égoïsme, Don Roque, sans égard pour la preuve d'amitié que renfermait l'insistance de Reine, lui eût riposté sur un ton de belliqueuse hostilité si la marquise ne fût intervenue pour supplier le Crésus, du ton le plus gracieux, d'accorder à sa fille l'autorisation de rester encore pendant quelque temps avec Reine. « Veux-tu rester, petite ?» demanda à sa fille Don Roque, qui ne désirait pas autre chose, car sa vanité se trouvait doucement flattée de pouvoir aller répéter partout qu'il avait cédé aux pressantes instances de la marquise de Alocaz en permettant à sa fille de passer quelque temps chez elle. « Je veux... tout ce que vous voudrez !» s'empressa de répondre la pauvre enfant, encore toute tremblante. « Fort bien, » dit Don Roque d'un ton protecteur. « Puisque tout le monde le désire, je ne veux pas qu'on me taxe d'incomplaisance, ni que vous puissiez croire, marquise, que vos désirs ne sont pas des ordres pour moi. Je suis peu prodigue de mes paroles, mais je veux que vous sachiez que vous avez en moi un ami au comptant, et non à terme. » Sur ce compliment commercial, le nabab prit congé de la marquise. « Que ton père est donc laid !» dit Reine à la grimace quand Don Roque fut parti. « Je me figure qu'il doit ressembler à l'Hercule de la Alameda de Cadix, qui passe pour le type de la laideur. Tu ne lui ressembles en rien, mon enfant, et je t'en fais mon compliment. Mon parrain dit que je ressemble à ma mère, pauvre petite mère. À ton parrain, à ce vieux rappelé, tu peux bien lui dire de ne jamais venir ici, car je me figure toujours qu'il porte, dans les sales poches de son immense caban, le choléra, la gale et la peste. T'a-t-il jamais régalé de quelque chose, ce monstre de parrain ? Un jour, il m'a apporté un gâteau aux mouches. Je n'ai pu le manger. » Reine éclata de rire si fort et de si bon cœur qu'elle se laissa tomber sur le sofa. Je crois qu'il n'est pas riche, ajouta Lagrimas en cherchant à disculper son parrain. Qu'il ose se présenter ici, répliqua Reine, et je t'assure que je rassemble tous les domestiques avec les poêles et les chaudrons et que nous lui donnerons un charivari dont il se souviendra longtemps, ton pingre de parrain. Il ne viendra pas, dit Lagrimas. Il ne venait me voir qu'une seule fois par an lorsque j'étais au couvent.